Ce matin, avec vous, ça fait depuis le mois d'octobre, si je ne me trompe pas, que notre frère Noël Morissette m'a contacté en me demandant « OK, on planifie l'année 2019, quand est-ce que tu peux venir faire ton tour pour enseigner à l'église de Victoriaville? » Puis on a choisi la date, puis depuis ce moment-là, j'ai hâte. Pourquoi? Certains d'entre vous peut-être, assurément, me connaissent, connaissent ma famille, d'autres peut-être nous connaissent pas. Je vais voir si je suis... correct avec mon utilisation de ça. Et non. Faut que tu pointes le quoi? Le PowerPoint directement? Essayons. Ah ben oui, toi. Ça, c'est ma famille. On est une famille de 6. On a grandi. Moi, personnellement, à l'âge de 20 ans, j'ai été sauvé par le ministère de cette église ici. Donc, j'ai grandi dans ma foi. Ça a été ma première église, ça a été en fait ma première, j'en ai eu juste deux parce que là où je suis maintenant, c'est la deuxième. On a eu deux de ces quatre enfants-là ici, donc vous avez pu les côtoyer pour certains, que Liane et Coralie, nos deux plus vieilles. Nicolas et Maëla sont nés lors de notre déménagement. On habite dans le coin de Laval, puis on est impliqué dans un projet d'implantation d'église depuis les 9 dernières années là-bas. Le Seigneur m'a appelé au ministère pastoral il y a à peu près 6-7 ans. J'ai, depuis ce temps-là, commencé ma formation avec le séminaire, avec Sembec. Et puis, jusqu'à tout récemment, il y a quelques changements qui sont arrivés dans les derniers mois, desquels je veux vous informer pour que vous puissiez continuer de prier pour notre famille. Le couple de pasteurs principaux de l'Église ont décidé de poursuivre leur appel pour se joindre à plein temps avec le séminaire à Sembec. Donc, ce que ça veut dire pour moi et notre famille, c'est qu'on devient pasteur par intérim de l'Église jusqu'à ce que, Dieu voulant, l'Église nous adopte pleinement comme pasteur, famille pastorale principale de l'Église. On a toute une équipe qui est avec nous. Je voulais au moins vous les présenter. C'est une équipe d'anciens en formation. Donc, ça, c'est nos couples de leaders. La famille La Flèche en haut à gauche, la famille Ima en haut à droite et la famille Prescott en bas. Donc, c'est une belle équipe. On a vraiment une belle équipe. On a une église où Dieu, on voit que Dieu marche devant nous, puis on veut simplement suivre sa volonté, accomplir la mission qu'il nous a donnée dans la région, qu'il nous a donnée. C'est énormément de personnes. C'est plus de 400 000 personnes qui vivent dans un rayon à peu près de 10 km autour de l'église, puis une présence évangélique très faible. Donc, en anglais, on dit « you have your work cut out ». Notre travail est bien défini, le Seigneur a mis ça clair, on a des gens à atteindre avec l'Évangile. Donc, ce matin, c'est un privilège, comme je l'ai dit, de pouvoir venir enseigner. Si on m'avait dit il y a 9 ans, quand j'ai quitté ici, à un moment donné, tu vas revenir prêcher à Victo, j'aurais probablement traité là où les personnes de fous ou de folles. Mais les plans du Seigneur puis comment Dieu travaille dans nos vies, c'est toujours exceptionnel de voir à quel point Dieu fait les choses souvent à sa manière. Nos plans, c'est une chose, mais les plans de Dieu, c'en est une encore plus solide sur laquelle on peut s'appuyer. Fait que, permettez-moi de prier avant qu'on puisse commencer. Seigneur Dieu, ce matin, on veut s'ouvrir à toi, on veut te laisser toute la place pour que tu te révèles à nous, pour que tu nous répondes, pour que tu nous parles à nos cœurs, à notre intelligence, à notre foi. Seigneur, on s'attend à toi ce matin et on s'attend à ce que ton esprit se révèle puissamment à nous dans le sujet qu'on va aborder. Amen. Le sujet que j'ai décidé d'aborder ce matin, c'est un sujet que je pense qu'il n'y a absolument personne d'un être humain normalement constitué ici présent qui peut dire « Ah, ça ne me concerne pas ». Je vous mets en contexte un petit peu. J'ai suivi dans l'année qui est passée un cours avec le séminaire, un cours d'apologétique. L'apologétique, c'est quoi? Bien, simplement, pour faire une définition, c'est une discipline qui constitue à défendre la foi chrétienne avec des arguments logiques et rationnels basés sur les Écritures. Puis de ce cours-là est née chez moi une curiosité vraiment pour comprendre le raisonnement des gens. Pour défendre la foi, une des choses essentielles qu'on a besoin de faire, c'est pas d'arriver avec des passages bibliques puis de frapper sur les gens avec des passages bibliques, mais vraiment de chercher à comprendre le raisonnement logique des gens. leur façon de voir la vie, il faut la comprendre pour être en mesure d'appliquer l'Évangile correctement. Puis, une des questions qui est souvent posée, puis qui revient souvent dans des discussions que je peux avoir avec des non-croyants, c'est la question suivante. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi le mal existe? C'est une des questions fondamentales, souvent, à lesquelles les gens sont confrontés quand on veut présenter l'Évangile. Puis parce que les gens sont confrontés à des questions, en tant que croyants, en tant que missionnaires, représentants, ambassadeurs de Christ, c'est important pour nous d'avoir réfléchi aux réponses à ces questions-là. C'est important pour nous d'y répondre, puis de bien comprendre les enjeux. Pourquoi les gens posent ces questions-là? Puis surtout, et principalement, de comprendre comment Dieu, lui, répond à ces questions-là. Parce que nous, on peut avoir une réponse. Elle peut être bonne, elle peut être à moitié bonne, elle peut être vraiment mauvaise dans le champ. Mais comment Dieu répond à ces questions difficiles-là? Puis dans ce processus-là, je réalise à quel point, des fois, en tant que chrétien nord-américain, je ne peux pas dire pourquoi nécessairement, mais des fois, on est loin d'avoir nous-mêmes réfléchi des réponses à ces questions-là. Parce qu'il y en a qui sont difficiles dans ces questions-là. Puis ça, c'en est une. Puis, pour moi, je trouve que c'est important qu'on comprenne les implications que ça a pour nous en tant que croyants, avant même d'être capable d'y répondre pour les gens qui n'ont pas de réponse. Puis, quand on n'a pas de réponse, ce qui m'inquiète de ça, c'est que, inévitablement, on va avoir des doutes. Le manque de réponse dans nos vies vont amener des doutes, qu'on soit croyant ou non. Puis, des fois, ces doutes-là vont être volontaires, parce que on sait ce que Dieu en dit, mais on n'est pas d'accord, on ne l'accepte pas. Des fois, ces doutes-là vont être involontaires parce qu'on n'a jamais vraiment mis le temps de réfléchir à ces questions profondes-là ou parce qu'on manque d'informations, tout simplement. Puis, vous allez me dire, bien, Richard, tu ne peux pas avoir réponse à toutes les questions. Puis, la Bible, en soi, ne donne pas les réponses à toutes les questions qu'on peut avoir. C'est vrai. Je vous l'accorde. Sauf que, quand même, le fait de ne pas avoir de réponse sur des choses fondamentales, par exemple, pour moi, ça, c'est une question fondamentale, bien, ça m'inquiète parce que ça vient interagir avec notre façon de vivre notre foi, notre façon d'aimer Dieu, puis notre façon de le faire connaître aux gens. Après tout, on a une mission. C'est ça, la mission. C'est d'être parmi un monde qui a besoin de se réconcilier avec Dieu. Puis c'est nous, ses représentants. Donc, ce que je vois là-dedans, c'est le danger dans le fait que là où on n'a pas de réponse, on a un ennemi qui veut venir en mettre des réponses dans notre esprit, dans notre cœur. Puis quand c'est lui qui vient mettre des réponses, c'est des mensonges qu'il vient mettre. Puis ces mensonges-là, ultimement, servent toujours à nous égarer, puis ultimement, à nous faire perdre de vue le réel désir, le réel plan de Dieu. Donc, si j'en viens à douter, j'en viens à croire que Dieu, dans cette question-là, il n'est pas bon. Dieu n'est pas tout-puissant. Puis à la limite, s'il tolère le mal, si le mal existe, à quelque part, c'est que Dieu il est un genre de despote qui est vengeur ou bipolaire ou qui a un dédoublement de personnalité bizarre parce qu'on lit les Écritures et on voit deux choses. Puis si on en arrive à douter puis à penser ces choses-là sur Dieu, bien l'ennemi il réussit son travail, puis en bout de ligne, ça nous ramène au travail de l'ennemi dans le jardin. Il a réussi à semer un doute. Dieu a-t-il vraiment dit? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des vérités sur Dieu puis sur la foi chrétienne qu'on a sérieusement besoin d'affermir, de comprendre, d'avoir des réponses à des questions comme celle-là, si on veut vraiment briller pour Dieu. Quand je priais justement pour ce sujet-là, Dieu m'a clairement montré justement qu'il y a une partie de cette question-là bien précise qui doit être adressée dans la question justement, si Dieu est vraiment, si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi le mal existe? Le titre de mon enseignement aujourd'hui, la souffrance, à qui la faute? La question de la souffrance est absolument impossible à éviter pour un être humain normalement constitué. Mais pour un disciple de Jésus, la réponse à cette question-là est encore plus importante parce qu'elle est centrale à notre compréhension de l'Évangile puis à notre marche chrétienne au quotidien. C'est un fait, la souffrance est partout. On l'aperçoit dans notre quotidien, dans nos relations. On peut la subir, mais on peut la faire subir. On peut être celui qui la crée ou celui qui la reçoit. On peut en être témoin. Elle est autant humaine que naturelle. On la voit dans la création autant qu'on la voit. Elle est perceptible dans nos vies. La souffrance est réelle, elle est partout. On la voit à la télé, à la radio. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, la souffrance est palpable, elle est présente. Puis non seulement la souffrance a une connotation péjorative négative, mais on trouve aussi la souffrance dans ce qui est positif. Excusez-moi. Tu veux travailler à avoir une meilleure santé, tu vas souffrir. Il va falloir que tu souffres pour te rendre là. Il y a plein d'occasions, même dans ce qui est bon, où on va avoir la souffrance. Je n'ai pas besoin, je pense, de m'étendre sur vous prouver le fait que la souffrance est présente et qu'on la vit tous et chacun au quotidien. Puis probablement que j'en suis convaincu un peu avec ce qu'Éric disait dans les annonces, dans le fait de prier les uns pour les autres parce qu'il y en a en ce moment qui souffrent. Bien, la maladie en est un exemple concret de ça. Puis je suis convaincu qu'en ce moment, chacun de vous, si je vous donnais une minute pour écrire sur un papier pour quelle raison, quel est un sujet de souffrance dans votre vie actuellement que vous subissez ou duquel vous êtes témoin, tout le monde aurait quelque chose à dire, tout le monde aurait quelque chose à écrire. On regarde dans la parole de Dieu, ouvre les pages de la Bible, le nombre d'histoires, Joseph, qui est finalement vendu par ses frères, tenu pour mort. Moïse, qui naît dans une famille, se retrouve exilé de sa famille, finit par grandir parmi les Égyptiens, s'enfuit après avoir commis un meurtre, revient. Toute son histoire au complet est remplie d'occasions de souffrance. Le fait de ne pas pouvoir, en bout de ligne, entrer en terre promise à cause d'une désobéissance, tout sur la vie de Moïse. Job, je n'ai même pas besoin d'exprimer la vie de Job. On sait, Job a souffert. David, même dans sa vie. Jérémie, un des prophètes à qui Dieu a donné une mission impossible parmi un peuple rebelle, va les reprendre avec des paroles dures qu'ils n'accepteront pas. Puis je te le dis d'avance, ils ne changeront pas. Je suis juste dans l'Ancien Testament, puis la Bible, déjà, elle déborde d'occasions de souffrance, elle déborde de témoignages de souffrance, de toutes sortes de façons. Puis, je n'ai même pas encore regardé dans le Nouveau Testament. Humainement, là, c'est impossible de lire la parole de Dieu sans être capable de connecter avec les émotions puisque les gens, ces personnages-là bibliques, ont vécu sans être capable de voir la souffrance qui a été traversée. Puis la Bible est claire là-dessus. Le monde qui nous entoure aujourd'hui est tout autant rempli de la même souffrance qu'on en était témoin dans la parole de Dieu. La souffrance est aussi omniprésente aujourd'hui qu'elle l'était. C'est impossible de passer à côté, puis même la naissance amène la souffrance, puis la mort en amène tout autant. Mais pourquoi est-ce que la souffrance est présente? Je pense que c'est une question importante. Dans mon vécu, je réalise qu'on a souvent une tendance, quand on se pose cette question-là, pourquoi la souffrance est là dans ma vie personnelle, on a souvent une tendance à vouloir en extérioriser la source. C'est toujours quelque chose en dehors de nous qui provoque la souffrance. La source est souvent rattachée justement à quelque chose qui est externe. C'est les autres, c'est la société, c'est mon boss, c'est la nature, c'est ma femme, c'est mon mari. C'est toujours souvent à l'externe. Puis on a surtout un réflexe facile, malheureusement, que ce soit des non-croyants ou des croyants, de pointer facilement le doigt vers Dieu quand on souffre. On dit « Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je traverse ça? » quand on pense à la souffrance, puis surtout en lien dans la question avec sa souveraineté. S'il est créateur, puis qu'il fait ce qu'il veut, bien forcément, c'est de sa faute. On dit de Dieu qui est cruel parfois parce que soit qu'il a créé le mal puis la souffrance, ou bien parce qu'il ne fait absolument rien pour l'empêcher. Puis ça, c'est un peu pointé du doigt, puis ça, c'est facile, on le fait tous. C'est toujours plus simple de regarder dans la cour du voisin que de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Puis si c'est le cas, vraiment, que Dieu est cruel puis qu'il nous laisse dans cette souffrance-là, quand il pourrait changer des choses, bien, il faut se demander, des fois, je me mets à l'inverse, puis je me dis, OK, Dieu, il a le pouvoir de faire quelque chose sur le mal, mais il ne fait rien. Bien, pourquoi nous, on met des enfants au monde? C'est ironique, je trouve, de se dire, Dieu sait très bien que c'est difficile, la vie, mais quand même, elle se poursuit, puis nous, en tant qu'êtres humains, on sait très bien que si on met des enfants au monde, on va les mettre au monde dans la souffrance jusqu'à leur mort. Mais pourtant, on continue d'avoir des enfants. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Qu'est-ce que ça dit sur Dieu? Est-ce que ça fait de nous des gens cruels? Parce qu'on pourrait l'empêcher, mais non, on engendre quand même la vie. Mon but en disant ça, ce n'est pas de nous rendre, de nous porter le blâme puis de dire « Hey, on est tellement cruels parce qu'on a des enfants ». Mais c'est vraiment de se poser la question plus loin puis de savoir qu'on n'est pas si innocent que ça dans toute la question de la souffrance. Mais qu'est-ce que la Bible, elle, nous dit sur ce fameux sujet-là? Si je vous pose la question, dans quel livre est-ce que la souffrance arrive? Au milieu, à la fin, direct au début? Dans la Genèse, Dieu a créé une création parfaite, l'a soumise à l'homme, a créé une aide parfaite à l'homme, les place dans une situation incroyable, en relation parfaite avec lui. Puis ça arrive direct là, avec la désobéissance de l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe après? On va le lire. Dans Genèse 3, 16, Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » On part d'un monde parfait où rien de ça existe. La désobéissance arrive et boum, tout change. Mais qu'est-ce qui a changé? L'homme a décidé de faire un choix en Adam. Il a décidé de se rebeller contre son Créateur en utilisant son libre arbitre, son choix, de façon ingrate pour se détourner de Dieu, plutôt que de l'utiliser pour aimer Dieu vraiment. Puis ce choix-là que Adam et Ève ont fait a entraîné toute une suite d'événements qui a changé le cours de l'humanité jusqu'à nous aujourd'hui. À cause de leur désobéissance puis de leur ingratitude, le mal puis la souffrance ont fait leur entrée dans le monde puis absolument tout a été affecté. Quand on lit ce passage-là, c'est pas juste, tu vas te sentir mal d'avoir désobéi puis après ça, ça va passer puis tout va être correct. Absolument tout. Autant le monde naturel que le monde spirituel, l'homme physique autant que l'homme spirituel. Avec un acte de rébellion. Donc la responsabilité humaine, quand on regarde au récit biblique, directement au début, la parole de Dieu associe la souffrance avec la responsabilité humaine. Ce qu'on expérimente aujourd'hui est rattaché à la responsabilité humaine. La source de la souffrance de ce que tu vis en ce moment est rattachée à la rébellion de l'homme face à un Dieu créateur qui donnait absolument tout à l'homme. Puis là, ben, je parle autant de toi que de moi, je parle autant des hommes et des femmes qui ont vécu après Adam et Ève jusqu'à nous aujourd'hui, comme je parle de ceux qui vont vivre après nous. Puis, des fois, on est incrédule par rapport à ça. Il y a une partie de nous qui se dit, comment est-ce que ça se peut qu'avec la désobéissance d'une seule personne, ça en vienne jusqu'à ce que moi, aujourd'hui, je suis responsable, je porte le même fardeau qu'eux ont porté au départ. Puis bien qu'on ne peut pas expliquer complètement dans la réflexion de Dieu comment la désobéissance d'un homme peut provoquer ce que ça a provoqué, mais c'est une réalité. L'homme a fait le choix, a décidé de désobéir à Dieu puis de se rebeller contre lui, voulu être Dieu à la place de Dieu. Puis ça, si vous êtes incrédule à ça, par rapport au fait que ça s'est transmis, hein, ben regardez juste à votre vie. Je regarde dans mon propre cœur puis je vois absolument tout ce qui est nécessaire dans ma propre vie pour dire que oui, cette même désobéissance-là est applicable à moi. Moi, aujourd'hui, je suis capable de façon constante de désobéir à la loi de Dieu. J'ai les mêmes racines en moi que Adam et Ève avaient. Le même péché qui teinte ma vie, a teinté le leur à partir de ce moment-là. C'est une constante qui ne change pas. Le récit biblique nous le démontre clairement. Puis nos vies font la même chose. Alors, comment on pourrait... Si on regarde au fait que Dieu, justement, a permis que la désobéissance amène cet effet-là jusqu'à nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut accuser Dieu de finalement pas avoir voulu se débarrasser de la souffrance ou d'en avoir été le responsable? Bien, simplement, là, si Dieu vraiment, premièrement, est-ce qu'on aurait voulu être comme des robots qui n'ont pas la possibilité, dans aucune circonstance, d'avoir un certain libre arbitre? J'ai déjà expliqué ça de façon très simple à mes enfants. Est-ce que si moi je suis ton papa, puis je te dis, mais tu n'as pas le choix de m'aimer, puis je vais mettre en toi tout ce qu'il faut pour que tu n'aies pas le choix de m'aimer, est-ce que c'est un amour réel? Vous pouvez répondre. Non. Si je t'oblige puis je mets en toi tout ce qui est nécessaire pour que tu n'aies pas la possibilité de ne pas m'aimer, ton amour n'est pas de l'amour. Donc, Dieu, en donnant à l'homme la possibilité de l'aimer ou non, de lui obéir ou non, ce que Dieu recherchait, c'est un amour réel et profond. Il est l'auteur du vrai amour, puis ce qu'il recherchait, c'est un amour délibéré de la part de sa créature. Donc, est-ce que Dieu a provoqué ça? Non, Dieu a donné ce choix-là à l'homme pour être aimé par l'homme vraiment. Puis quand on pose la deuxième question, c'est, bien, pourquoi d'abord est-ce qu'il n'a pas décidé de l'arrêter, la souffrance? OK? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire s'il avait voulu arrêter la souffrance qui est, on s'en rappelle, je viens de le dire, provoquée par l'homme? Extermination complète. Si tu veux arrêter la source de la souffrance qui est dans l'homme, ça veut dire se débarrasser de l'homme. Donc, est-ce que ça aurait été mieux pour vous ce matin de même pas exister? Que Dieu nous anéantisse, qu'on ne fasse plus partie de l'équation? Mais tout le monde, unanimement, vont me dire, ben non, je veux vivre, je veux juste pas souffrir. C'est logique, je suis d'accord avec vous, la souffrance amène des difficultés. Mais la vie en vaut la peine. Puis c'est exactement pour ça qu'on continue d'avoir des enfants. Tantôt, je nous disais, ah, on est-tu cruel d'avoir des enfants? Non, il y a quelque chose dans le désir de Dieu qui est bon là-dedans. Avoir un enfant, c'est loin d'être facile, que ce soit pour les enfants ou pour les parents. Le fait est qu'en participant à la souffrance ensemble, on y participe pour le résultat final qui est relationnel puis qui est un amour inconditionnel d'un parent envers son enfant. Mais ça non plus, on ne l'a pas inventé. C'est à l'image de l'amour inconditionnel de Dieu le Père. C'est ça qu'on voit, c'est le design voulu par Dieu. C'est pour ça qu'on continue d'avoir des enfants. Donc, ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est pourquoi Dieu a décidé de laisser aller la souffrance plutôt que de nous anéantir. Puis dans la sagesse infinie de Dieu, puis en comparant ça à notre sagesse vraiment limitée, c'est impossible pour nous de vraiment savoir pourquoi Dieu tolère ou continue de tolérer la souffrance. J'utilise un peu l'image d'un enfant qu'on doit amener chez le médecin pour le traiter de quelque chose de grave. J'ai une de mes filles qui a dû être hospitalisée à l'âge de 3 ans pour subir une opération pour enlever un ganglion qui s'infectait puis qui menaçait sa vie ultimement. Elle ne comprenait absolument pas pourquoi on l'amenait chez le médecin, qu'elle allait se faire endormir, que ça allait faire mal. Le médecin allait la piquer. Pour elle, c'était juste « qu'est-ce que c'est ça? » Mais nous, ses parents, on la regardait, puis parce qu'on l'aimait, on disait « on veut que tu survives à ça, puis tu vas avoir besoin de souffrir un peu pour être capable d'être de l'autre côté, puis de dire « voici pourquoi j'ai souffert. » C'est pour ça aujourd'hui que ma fille est en vie, puis qu'elle est avec nous, parce qu'elle a souffert. Mais de la même façon, cette analogie-là me fait penser au fait que Dieu est plus grand que moi, infiniment plus grand que moi, plus sage que moi. Puis dans ma souffrance, il y a quelque chose que Dieu fait là-dedans que je ne comprends pas maintenant, mais qui a un but. De la même façon qu'en tant que parent, on est prêt à donner notre vie pour nos enfants, mais justement, Dieu est prêt à donner la vie de son fils plutôt que de nous éliminer de l'équation. C'est là que je m'en vais. Je le dis souvent à plusieurs, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, malgré la désobéissance de l'homme puis l'impact que ça a eu sur l'humanité, Dieu choisit de sauver des hommes et des femmes quand il aurait dû, il aurait eu le droit, ça aurait été logique et sage de sa part de nous anéantir. C'est ce qu'on méritait. Non, il choisit de se révéler à nous, de venir vers nous avec une compassion sans borne. C'est ce qui m'amène à mon point central du sujet de ce matin. Dieu nous aime, puis il refuse de nous anéantir. Mais alors que Dieu, comment Dieu veut interagir avec notre souffrance? Quand on pointe le doigt vers Dieu à cause de nos souffrances, il ne faut jamais oublier que le Dieu qu'on adore est le Dieu qui est venu s'incarner en Jésus sur la terre pour vivre pleinement nos souffrances. Jésus est venu pleinement s'identifier avec l'homme, est venu vivre ce qu'on a vécu. Puis des fois, j'ai été coupable de ça, on a une tendance un peu malsaine à se dire, « Ouais, mais Jésus, tu sais, on peut-tu vraiment s'identifier à lui? » C'était Dieu. En d'autres mots, on est en train de dire, « Ouais, mais lui, il l'a eu facile. » Il faut s'enlever de la tête ce genre de réflexion-là parce qu'on passe justement à côté d'une grande vérité, d'une vérité centrale que Dieu veut nous amener par rapport à nos souffrances. Puis, comme je le disais tantôt, on ouvre la porte aux erreurs, on ouvre la porte à l'ennemi qui veut nous faire croire quelque chose de différent. Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Il est venu pour s'identifier complètement, puis je mets un accent là-dessus, complètement à nous, dans notre nature. Il est venu pour souffrir avec nous. Il n'est pas venu en camp de vacances pour faire plaisir à son père. La Bible ne nous donne pas énormément d'informations sur la vie de Jésus en général, mais de sa naissance à 12 ans à peu près, on a de l'information là, puis après ça, du début de son ministère terrestre, autour de la trentaine jusqu'à sa mort, on a plus d'informations. Mais ça m'arrive souvent quand j'ai ces réflexions-là de me poser la question, puis je vous lance cette réflexion-là. Vous êtes-vous déjà imaginé qu'est-ce que Jésus a vécu durant sa vie humaine sur terre? Je trouve que facilement, on jette ça de côté justement parce qu'on pense juste à sa divinité. On ne pense pas au fait qu'il a dû vivre pendant 33 ans sur terre avec des gens comme vous et moi autour de lui. C'est là que moi, ça fait ouf. Puis quand je pense à ça, que j'essaie de m'arrêter à penser à la vie de Jésus, j'ai un passage en particulier qui me vient en tête dans Ésaïe, qui était une prophétie au sujet de Jésus. Ésaïe 53:3. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. je vais nous mettre un peu dans la peau de Jésus, là. Pour les gens qui t'entourent, tu es l'espèce de weirdo qui passe son temps à la synagogue, qui est capable d'enseigner les enseignants de la synagogue. Tu es né dans des circonstances qui, autrement, auraient mené à la lapidation de ta mère. Donc, tu es toujours mis sur le spot parce que tu es le petit weird qui est né dont on ne sait pas qui son père. Tu ne pêches pas. Imagine-toi ça. Ça vous arrive des fois d'être mis sur le spot par des collègues, par la famille, parce que vous êtes un petit peu trop moral. Ah, lui, on sait bien, hein? Il ne triche pas, il ment pas, il déclare tous ses impôts. C'est un weird. C'est des petites bribes dans nos vies qu'on se fait mettre sur la sellette parce qu'on est un petit peu trop moral et juste. Imagine-toi, tu ne pêches pas. Qu'est-ce que la vérité fait? Elle met en lumière le mensonge. La vie de Jésus au complet mettait en lumière le péché dans les gens qui l'entouraient. À quel point est-ce que Jésus a dû être mis à part? Ésaïe nous le dit. Un homme méprisé, abandonné des hommes, habitué à la souffrance. Imagine, là, ça c'est avec tes relations. Maintenant, tu as des parents, tu as des frères et des sœurs. Y en a-tu ici qui l'ont difficile avec leurs frères et leurs sœurs? Tiens, mes enfants lèvent toute la main. Ils sont comme « Amen, papa! » Imagine-toi ça. À la maison, tes parents, tes frères et tes sœurs sont intégralement, complètement pécheurs, mais pas toi. Tu es le grand frère parfait. Hey, ça devait-tu être beau comment il se faisait mettre sur le spot puis détesté par ses frères et ses sœurs. Imagine le nombre de situations qu'il a vécues dans sa famille. Je ne veux même pas m'y arrêter. Puis le reste de sa vie d'adulte qui est connu dans les Écritures, tu ne peux pas lire les Évangiles sans être constamment confronté à la souffrance que Jésus a traversée sur une base quotidienne. Il était mis à part, il a été juste sa mort. On épargne les détails, mais de voir la façon dont Jésus avait le cœur brisé de voir la souffrance humaine autour de lui. Hein, la Bible nous parle souvent à quel point il était ému de compassion devant la souffrance de laquelle il était témoin constamment. Imaginez-vous, là, c'est Dieu fait chair, le Créateur qui aime sa créature, qui vient vivre au milieu d'elle, puis qui la regarde souffrir, le cœur déchiré. S'il avait vraiment été un Dieu bipolaire, vengeur, on en aurait mangé toute une. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Il venait pour s'identifier complètement à nos souffrances. Puis si ce n'était pas suffisant de venir prendre la place d'un homme pour être capable de vivre nos souffrances, Jésus est allé souffrir la croix à notre place. Il est allé jusqu'à souffrir le prix de notre condamnation. Personne de vous ou moi ici qui a vécu avant nous ou qui va vivre après nous va avoir à traverser ce que lui a traversé là. La souffrance d'avoir à prendre le poids de la condamnation de tous les hommes. Puis ce qu'amenait le prix de cette condamnation-là, c'était d'être séparé de Dieu. Il a dû vivre la séparation complète avec son Père à cause de nos péchés. On le voit dans Marc 15, 34. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui se traduit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce que vous avez déjà vécu l'abandon? Sous différentes formes, une petite tranche de vie. Je me suis longtemps senti abandonné par mon père biologique. Quand j'allais avoir à peine 5 ans, il s'est enlevé la vie. Puis j'ai grandi avec le sentiment d'avoir été abandonné par mon père. Puis je refusais absolument, catégoriquement, de savoir pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Puis humainement, je m'accrochais à cette émotion-là de sentiment d'abandon. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'avais la certitude que j'avais été lâchement abandonné par mon père. Puis par la grâce de Dieu, Christ a sauvé ma vie, comme je vous disais tantôt, ici même à Victoriaville. Puis j'ai compris que c'était la souffrance psychologique puis sa détresse émotionnelle qui l'avait amené à porter ce geste-là. Parce qu'il ne pouvait pas accepter de nous faire subir ça à nous, sa famille. Quelle détresse! Souffrir au point de préférer disparaître pour les gens qui nous entourent parce qu'on ne veut pas leur imposer notre souffrance. Cet abandon-là que moi je ressentais était causé par la souffrance du péché, celui de mon père, puis le mien. Mais Jésus, lui, était sans péché, le Fils du Dieu très haut. Donc imagine d'avoir à vivre l'abandon comme ça, comme Jésus l'a vécu. Puis d'avoir à le vivre, pas pour n'importe quelle raison, pour toi, pour moi, pour des êtres humains tout croche. Ça, c'est l'amour de Dieu qui est sans borne. Les dernières paroles de Jésus avant de mourir me touchent toujours. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Si ça, ce n'est pas la compassion puis l'amour de Dieu. Sa vie, du début à la fin, a été caractérisée par une chose. Il est venu s'identifier à notre souffrance, puis il est venu la vivre avec nous. Non seulement il est venu vivre notre souffrance avec nous pour s'identifier pleinement à nous, qu'on ait un appui en lui, il a non seulement vécu, mais il a triomphé de la souffrance en y répondant parfaitement par une vie sans péché. Il a triomphé de la mort en ressuscitant. Qui d'autre a fait ça? Personne. Il est venu pour prendre la condamnation causée par le mal qui nous habite depuis la chute. Puis il est venu souffrir la mort à la croix afin qu'on puisse, nous, être réconciliés une fois pour toutes avec Dieu. Hébreux 2:10 nous dit, « En effet, Dieu a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. » Encore en Romains 5:3, « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien? Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Sans Jésus qui compatit à notre souffrance, il ne fait absolument aucun sens de vivre dans le monde dans lequel on vit. Puis on fait le choix, on continue de le faire, de se rebeller envers le Créateur ou de se réconcilier avec lui. Notre espérance n'est pas attachée à ce monde-ci. Espérer d'arrêter de souffrir ici, c'est futile. Le problème de la souffrance doit nous pousser à rechercher ce que Dieu a voulu au départ pour sa créature, être dans sa présence, dans un endroit où la souffrance puis le mal n'ont pas la possibilité d'être présents. Puis c'est exactement ça, un jour auquel on est appelé, quand on se réconcilie avec Dieu. 2 Corinthiens 4:17 nous dit, « En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. » Ou en Apocalypse 21:4, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Il y a un but à la souffrance. On a un Dieu qui compatit parfaitement à notre souffrance en Christ, qui en a payé le prix et qui a triomphé de sa conséquence, qui est la mort et la séparation de Dieu pour l'éternité. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut vivre la souffrance à la lumière de ces vérités-là. Si on choisit de tourner le dos à ces vérités-là, la souffrance, comme je l'ai dit, est sans but, est futile, puis à la limite, elle est cruelle. On demeure rebelle, puis la grande majorité, comme la grande majorité des êtres humains depuis Adam. Mais si au contraire, on accepte que la souffrance, c'est le résultat de notre nature pécheresse, donc on est coupable, qu'on accepte qu'elle nous pointe vers notre besoin de réconciliation avec Dieu, puis qu'on se détourne de notre rébellion, c'est là qu'on peut laisser à Dieu l'opportunité d'intervenir dans nos vies d'une façon puissante. Puis ça, c'est mon point final. Il y a une richesse incroyable duquel je veux parler dans la compassion de Dieu. On doit d'abord, pour ça, avoir bien sûr compris puis accepté notre responsabilité pour la souffrance avant de parler du sujet duquel je vais parler, parce que ça y est rattaché. On doit avoir compris puis accepté la compassion de Jésus par rapport à notre souffrance, avant de passer à comprendre le point suivant. Un des éléments que je trouve qui est un des plus grands encouragements pour chaque croyant concernant la souffrance, c'est le fait qu'il vient participer activement à nos souffrances. Comment? Il donne à ceux qui se sont repentis puis réconciliés avec lui son esprit. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même qui vient faire sa demeure en nous pour nous accompagner jusqu'à la fin. C'est la puissance de Dieu qui marche et qui souffre avec nous. Ça, c'est le Dieu d'amour qui vient vers nous puis qui compatit en toutes circonstances, non seulement par la vie, la mort, la résurrection de Christ, mais en venant habiter au milieu de nous. Dieu nous a envoyé un consolateur. Romains 8. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livré à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Je pourrais continuer. Le Saint-Esprit change absolument tout. Même quand la souffrance est à un point tel qu'on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus quoi faire, quoi penser, quoi prier, même dans ces moments-là, le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Romains 8, 26. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Le comprendre est absolument central à nos vies de croyants. L'accepter est absolument central à ta vie si ce matin, Christ ne fait pas partie de ta vie. La réalité de tout ça, puis un peu une exhortation que je veux nous amener, c'est la suivante. Savoir et comprendre ces choses-là ne change pas le fait que tu vas continuer de souffrir jusqu'à la fin. C'est encourageant, hein? C'est une réalité, c'est impossible de la contourner. Tu ne peux pas et ne devrais pas prier pour que Dieu arrête la souffrance dans ta vie. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de la réalité qui est là. Maintenant, comment tu vas traverser la souffrance fait toute la différence. On est une famille, les chrétiens. Dieu nous a dit qu'il nous a adoptés puis qu'on devient frères et sœurs les uns des autres. On devient un corps. Mais comment ce corps-là peut interagir ensemble dans la souffrance? Des fois, c'est impossible de comprendre puis d'aider nos frères et nos sœurs qui traversent la souffrance. Bien, on a besoin de s'attacher aux vérités qu'on vient d'entendre, sans douter, puis sans pointer du doigt ou de chercher à trouver un coupable. Des fois, on fait ça dans la vie les uns les autres. Ah, tu souffres, mais regarde, c'est à cause. Tu as fait telle, telle affaire. Ah, tu as subi telle chose. Ah, tu t'es attiré ça. On doit s'attacher aux vérités sans douter, sans pointer du doigt, sans chercher à trouver un coupable, que ce soit Dieu qu'on veut pointer comme coupable, nos circonstances, nos erreurs, nos manquements. Soyons présents les uns pour les autres dans la souffrance. Soyons pas seulement des donneurs de conseils dans notre incapacité d'aider ou à comprendre. En tant qu'humain, des fois, on peut faire plus de dommages que d'autres choses. Regardez les amis de Job dans leur façon d'essayer de le reprendre dans sa souffrance ou de l'encourager. Dieu est celui qui peut faire la différence. Donc, soyons attachés à Dieu, à ses enseignements, puis unis les uns aux autres. J'aime beaucoup le verset de... Je l'ai-tu? 2 Corinthiens... Ouais, 2 Corinthiens 1, 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort, quoi, de nos bons conseils, le réconfort que Dieu nous a apporté. Soyons prêts à pleurer avec ceux qui pleurent, à marcher dans la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, de ceux qui marchent avec. Mais surtout, soyons prêts ensemble à s'en remettre à Dieu pour persévérer jusqu'au jour où Dieu va nous libérer. C'est une promesse. Un jour, tu vas être libéré de la souffrance. Probablement pas ici, peut-être, temporairement, mais assurément, complètement, une fois dans sa présence. Ça, c'est ce qui fait notre joie. Hein? Pierre l'a dit, voilà ce qui fait notre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Christ apparaîtra. Donc ce matin, en conclusion, ce que je veux qu'on retienne, c'est ceci. On a délibérément choisi la souffrance en Adam, puis on continue de le faire au quotidien. On en a tous des exemples. On se rebelle envers notre Créateur. Puis malgré que cette rébellion-là mérite la séparation de Dieu pour toujours, malgré ça, Dieu vient vers nous. Dieu est venu pour souffrir à notre place. C'est Dieu le Père qui a envoyé Jésus vivre et mourir pour nous, afin qu'on puisse être réconciliés avec lui. Puis c'est aussi lui qui vient habiter en nous par son Esprit, pour nous donner une vie nouvelle, pour nous secourir, puis pour participer activement à notre souffrance au quotidien. C'est lui, le Dieu de la Bible. C'est ce Dieu-là qu'on adore ici ce matin. Le Dieu qu'on veut servir jour après jour, puis qu'on veut faire connaître à Victoriaville, puis dans les régions. C'est là qu'est notre espérance, dans le fait que Jésus a tout accompli, puis dans le fait qu'il vit en nous jusqu'à la fin. Je serai avec vous jusqu'à la fin, il nous dit dans Matthieu 28. La souffrance est au beau milieu de l'histoire du salut, puis vouloir l'enlever de là, c'est une grave erreur, parce que Dieu est venu souffrir pour vaincre le mal, puis offrir la grâce, le pardon, puis son esprit à tous ceux qui souffrent. Jean 16, 33, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » On adore un Dieu victorieux sur le mal et sur la souffrance. Amen. Alors ce matin, de grâce, si tu n'as jamais rencontré Dieu de façon personnelle, de grâce, repens-toi de cette rébellion-là qui est dans l'homme. Tu ne peux pas la nier. Tu la vis. Tourne-toi vers Dieu. Reçois celui que les Écritures appellent le Consolateur, l'Esprit Saint. puissance de Dieu pour souffrir avec toi. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés avec le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Pas parce que la souffrance puis le mal est facile à porter, mais parce que Christ a compati parfaitement à notre souffrance. Et parce qu'il vit en nous activement. Il vient compatir au quotidien. Puis si tu es ce matin un enfant de Dieu par adoption, par la grâce de Jésus, ouvre tes oreilles et ton cœur, puis accepte ces vérités-là pour laisser à Dieu toute la place. Tu adores un Dieu de compassion qui vient à ton secours puis qui vit en toi. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Crois seulement, puis marche par la foi dans l'espérance. Romains 8, 17, « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Accepte la souffrance, puis vis de l'espérance que Dieu a donnée. Puis en terminant, mon mot d'encouragement avec vous, je veux utiliser les paroles de Paul, que Paul a dites à Timothée. 2 Timothée 2:3. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part des souffrances. Amen. Je vais prier avant, je pense qu'on va dans la louange après. Seigneur Dieu, ce matin, on veut se courber devant toi, abandonner la rébellion qui est si facile dans nos cœurs, se tourner vers toi et accepter que tu es le Dieu qui a souffert, que tu es le Dieu qui a compati parfaitement. Tu n'avais pas à le faire, mais tu l'as fait. Et aujourd'hui, ce matin même, on a l'espérance qu'en toi, par toi, on peut traverser n'importe quoi, n'importe quelle souffrance, n'importe quelle douleur, n'importe quelle injustice. Et on te demande, Seigneur, que ce matin, tu viennes agir puissamment en nous, dans nos souffrances. Seigneur, maintenant, reçois l'adoration que tu mérites pour qui tu es. Nous t'aimons et nous voulons te chanter, t'adorer, en esprit et en vérité. Amen.